Matin si vite, y'a le vent dehors. À travers la vitre, y'a l'hiver qui commence. J'éternue, puis je me mouche. Y'a sa photo que je touche. Une chemise américaine, une tasse en porcelaine. Je ne bois plus que dans la sienne. Il est loin déjà, l'homme qui était là, et moi je l'attends. Il est sans promesse, mais je ne lui en veux pas. Oui, moi je l'attends. Quelques mètres. Mon parcours toujours le